Votre mère consent à tout, belle Angélique. J'en ai sa parole et votre mariage avec Maître Blaise est conclu, moyennant les 20 000 francs que je donne. Ainsi, vous n'avez qu'à venir tous deux l'en remercier. Point du tout, il y a un autre Vertigo qui la tient. Elle a de l'aversion pour le magot de 20 000 francs à cause de vous qu'il délivrait. Elle ne veut point de moi si je les prends et je veux du magot avec elle. Ni moi, je ne veux plus de qui que ce soit au monde. Arrêtez de grâce, chère Angélique. Laissez-nous, vous autres. Notre premier marché tient-il toujours? Oui, je vous le garantis. Que le ciel vous conserve en joie. Je vous fiance donc, fillette.